que c'est le bordel ici aussi? Ouais. Tout le monde va sur Soundjack. Bon. Combien 100 là? Il y a un bassiste. Trop forte, non? Non, elle est juste bien. Elle est bien par rapport à la perfusion. Ouais, là, c'est... C'est mieux, là. C'est... Non, mais c'est... Ah non, c'est moi qui ai monté, en fait. Il y a assez de son, il y a tout bien, ça va ? Oui. Donc on m'entend pas assez, ou ça va ? Thank you. appeler elle, c'est tout bien. Et là, mais pourquoi? Sérieux, je m'en bats les couilles, gars. Même pour des pépites, je vais jamais lâcher tout ça. Thank you. violent, beaucoup moins d'être sincère. Pas mourir, ce n'est que ça que le maître sincère. On peut tous finir, l'âme dans les viscères. On partir à l'asile pour mes problèmes d'hémisphère. Moi la folie me guette, veut me tromper. C'est pas joli mais c'est vrai mec, c'est concret. Un jour les démons viendront me tenter. Je le sais depuis que mon padre à l'HP est entré. Depuis que j'ai goûté la psychédélique, j'ai même douté, j'entends cette psychédélique. Partiel, même si quand je lâche une pause, c'est de l'amour. pas que des mecs comme Oulin. C'est le rap français, y'en a pour tous les coups. Ce n'est pas tout ce qui passe sur non plus. Y'a des gars cassures, genre Hardy, ils connaissent son job. Un groupe comme Big Blast, tire pas ça. Y'a les crevards de la plaine, le bon nob, y'a même un hippocampe fou et une inconsolable. Bref, tout ça pour que tu comprennes que partager c'est comme garder une graine. Alors fais pousser les tournées sur ma mort les scènes. Si comme moi t'as le hip hop dans les veines, est-ce qui suis-je de dédicace au bois qu'MC? Donc réfléchis, parce que si tu crois que je te vise, bah, ça veut sûrement être du shit. Allez, un seul de taille promis, d'ici pas plus tard j'aurai kické le promis. J'en ai promis, j'ai pas envie de boire de l'eau, rien de débrouille. Mais je veux le rire depuis le rock dans les oreilles du poum, tchaka, kapoum, dans les tympans. Du son qui surprend, du son qui réveille, du pain, du fin, du zoom, du son qui détend. Appuie sur le play, décolle pour si tôt, bouge la tête comme le fait le point sur un psycho de bas. Sa peau de haut t'en va et tu t'en bats les couilles, donc le son est là, tu t'en bats, yo. La leçon est là, tu m'en mal. Comment veux-tu pouvoir prêter la thune sans mal? Comment inspirer la joie, esquiver la loi? Comment feinter, comment lutter, comment ça va toi? D'ailleurs tu te fais quoi, ne sors pas de mytho. Genre vendre de coca, c'est juste pour manger coco mico. Car tu sais pas, tu n'as que l'odeur du psycho. Donc baisse les bras et va plutôt laver tes chicots. Tu n'es qu'un nico, tu pensais me dominer. Pourtant jouer au domino avec tes cheveux gominés. Tu n'es qu'un mignon, titi et moi gros miné. Quand Bernie Noël, je bouffe un oiseau au dîner. J'ai pas terminé, je tourne le robinet. Je check le micro et je suis large, je de dominer. Bande dessinée, je pèse les mots comme 13 les mots. Fais gaffe, tu vas grave halluciner. Tu fais ce l'ego, non, c'est du ciné. Tu check des go, la ferme avec, t'as du ciné. Tu aimes les gros, allez, va tapiner. Retrouve tes copines et on se retrouve dans la matinée. Tu fais ce l'ego, mec, c'est faux, je te pèse les os. Le même les pros, en perdent les mots. J'ai dit, tu testes mes go, mec, c'est faux, je te perce les os. Premier numéro perso du kiné, j'ai t'exterminé. De faire du mal, de ruiner, de brancher mon 200 va voler, tu vas t'illuminer. Pour dominer, conseiller les flots, se lécher les crocs, j'suis fait les plus chauds, j'suis déjà calciné. Joey Star. Thank you. c'est bon ce que tu vas manger. Cool. Merci. J'adore les poireaux, mec. Je suis fan de poireaux. Bonne année.